monde tombe en ruine, la forêt envahit tout, l'oubli nous ronge. L'égrégore donne corps à nos peurs, l'emprise transforme tout. Sur les prairies des gris. Incessantes, elles ont gorgé vos terrains, vos herbages, condamnant votre communauté. Vos terres riches et grasses à l'accoutumée n'ont pas eu le cycle de repos qu'elles devaient avoir. Les hautes herbes ont pourri sur pied. Depuis le mois de cendre, les nuages se sont noués au-dessus des frondaisons et ont répandu leur limon d'infertilité sur la plaine. Elles ont noyé les terres. Chacun parmi vous avait sa vache. Tu es l'un des gardeurs. Mais Ézias, le gardien des rouleaux, a affirmé que les hommes étaient souillés. que les hommes n'étaient plus que des ballots charriés par les eaux, qu'il fallait renouer avec Père Ciel, qu'il fallait échapper à la souillure. Ainsi, les femmes et les enfants ont été chassés de la communauté. Ainsi, tu as été chassé sur les chemins, les méandres de serpentine, la grande rivière sinueuse qui parcourt la forêt, l'immense forêt ténébreuse dans laquelle tu t'es enfoncé avec ta vache et ton maigre bagage. L'hiver a été moins froid, de cendres, le cycle s'est poursuivi, mais toujours sous la pluie, une pluie battante, incessante, te condamnant à une errance frugale. Tu as plus souvent jeûné que mangé durant ces cycles, car même ta vaillante vache ne trouvait rien à... Tu avais une question, Xavier. Oui. Pourquoi Hertz a des fils blancs sur son visage et ses cheveux? Tu le vois s'agiter et tu l'as vu s'approcher de Pâquerette. Pâquerette qui a rué de la patte arrière et s'en est éloigné avec un œil affolé. Sa pupille s'est dilatée, elle est devenue toute noire de peur. Et le jeune garçon roux a plein de fils blancs partout collés dans ses cheveux, sur son visage. Des fils blancs comme ceux des toiles d'araignées qui n'ont pas été chassées par les eaux qui sont accumulées dans les frondaisons, comme si les araignées l'avaient emmailloté dans la toile. Il est couvert de toiles d'araignées partout sur son corps. Ça t'a surpris, tu ne l'as pas vu, tu as vu d'abord le visage de ce jeune garçon. Tu l'as vu s'agiter, te parler, et maintenant tu te rends compte qu'il est couvert de toiles d'araignée, que ces petits fils blancs qui constellent son corps, ses cheveux, sa bouche, ses paupières, ce sont des fils d'Ariane tissés par les araignées. Je te demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Comment ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? Rien! Se dormait. Choubia, tu as froid, faim, mais tu entends la voix familière exigeante de Hertz papillonner autour de toi. J'ouvre les yeux et j'essaie de voir ce qui se passe. Tu le vois en conversation avec un jeune garçon grassouillet. Il est... C'est un être curieux, il a une espèce de toison grise qui macule son crâne, mais on y voit tous les replis qu'a affecté la peau qui a été éprouvée par le voyage. Il est crasseux, il a des vêtements qui jadis ont dû être blancs, et qui sont constellés de boue maculée et qui ont une teinte maintenant jaunâtre d'âche marron de boue sur ses culottes. Je me lève péniblement et je m'approche. L'un des enfants qui était assoupi s'est redressé et s'approche de toi. Un autre est debout sur son séant. Autour, vous entendez toujours ces insectes qui bruissent et ces voix qui semblent distantes, qui bourdonnent depuis que tu traverses le bois. Mais tu as du mal à te concentrer sur ce que te dit t'a dit quelque chose, ce Hertz? C'est quoi ton nom des arbres? Samael, c'est ça? Oui. Bah, tu vas me donner ton lait, Samael, parce que on a fait un accord, hein. Je te guide et en essence, tu nous donnes du lait. On est d'accord? Oui, mais c'est que ma vache n'a pas mangé. Ah, bah, là, il y a de l'herbe à brouter. Fais-la brouter, qu'on puisse boire du lait. Faut qu'elle soit bonne, l'herbe, et elle a peur à cause de toi. Elle a peur de moi, mais je suis un gentil garçon. Avec toutes tes toiles sur toi, ça fait peur. Oui, mais tu vois, moi, je suis gentil, je suis pas un méchant. Et tu vois bien que j'ai faim, que mon ventre, il crie comme les grenouilles autour de nous, hein. J'arrive à ce moment-là, je suis calmé, j'arrive pas à dormir aussi. Et puis c'est pas des grenouilles. Je suis calme, j'ai le droit de parler avec ce garçon-là. Et puis ce ne sont pas des grenouilles, ce sont des crapauds. Bah attrape-en des crapauds qu'on les fasse griller à la broche, là. Déglutit et tu vois qu'il y a un peu de baffe qui s'écoule le long de son menton et qui vient tomber sur le sol. Enfin, c'est pas un peu de baffe, ça te semble curieux qu'il bave autant. Là je demande, votre ami, pourquoi il a plein de toiles et il bave autant? Ben, le grand gaillard qui s'est levé et qui lui a donné l'ordre de... qui vous a donné l'ordre de vous calmer d'une voix grave. C'est un grand gaillard avec seulement un tout peu de cheveux tout emmêlé au-dessus de la tête, comme une brosse pour nettoyer les tables. Il a une grande chemise trouée, rapiécée. C'est un grand costaud, il pourrait presque fêter le lot. C'est la grande fête que vous menez quand on devient un adulte. Et il a l'air néanmoins tout ensommeillé. Il est impressionnant, hein. C'est un rude gaillard. Il est beaucoup plus grand que toi. Et quand il a tonné de sa voix, tu as détourné le regard. Quand Hertz a parlé de crapaud, tu as vu l'autre qui était levé et lui, il avait de la bave aussi qui coulait sur les toiles d'araignée. Là, moi, je l'ai regardé en mode et je me disais pourquoi ils ont de la bave tous les deux, pourquoi ils sont si apeurants. T'inquiète pas, si nous sommes comme ça, c'est pour mieux te manger, mon ami. C'est Hertz qui dit ça. Là, je m'éloigne. Il raconte n'importe quoi. Et quand il s'est approché de toi, il t'a touché comme ça. Et t'as senti du froid. Tu t'attendais à sentir la chaleur de sa main. Mais là... sa prise était étrange. Ça a épousé tout de suite la forme de tes os. Tu sentais dans sa main. C'est quoi là? C'est l'omoplate? T'as senti ton omoplate au travers de ta peau. Prise dans l'étau de sa main. Et pourtant, quand il a lâché, tu as vu sa main. C'est une main d'enfant. Quoi qu'il a une espèce de duvet sur les mains. Un duvet gris. Je n'ai pas compris ce que tu as dit, Samael. Moi, j'ai rien fait pour me faire attaquer par des gens bizarres. Ah, mais tu n'es pas attaqué, mais ils sont bien étranges, ces gens, effectivement. Alors, tu l'as fait brouter ta bête là? Qu'on boive le lait? La faire brouter, c'est elle qui décide si elle veut brouter, désolé. Alors c'est ta vase qui te commande, c'est ça? Bah, faut qu'il y ait de la bonne herbe en fait. Elle est morte l'herbe. Bah alors, Marson, allons plus loin sur le chemin. Qu'elle broute de la bonne herbe. Hé, hey, dragon, réveille-toi. Et secoue le gamin et la gamine qui étaient encore pelotonnés l'un contre l'autre. Ils se lèvent. Il tient le jeune garçon aux cheveux sombres, tient dans sa main un instrument de cuivre, comme une trompette enroulée, un cor. Guiloui. Il hoche de la du chef en regardant Hertz et lui emboîte le pas. Bah alors, tu viens toi? On y va, Kinerb. D'accord. Je sors une pelle. Chopilla. Suis-tu les gamins? Bah pour savoir ce qu'ils vont faire, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Smerdi. Je les accompagne d'un pas désinvolte. Après avoir tapé tous les crapauds, pardon. D'un pas désinvolte en laissant une certaine distance entre les restes de la bande et moi-même. Tu fermes donc la marche. Il y a devant toi Dragon et la Gaude. Puis Choubdia et devant lui. Le jeune Samael et Hertz. Hertz qui avance d'un bon pas. Faut être volontaire là, il faut la trouver cette herbe. De fait, le terrain grimpe progressivement vers une colline en partie dénudée. Et au sommet de celle-ci, il y a un amas de pierres, de vieilles pierres, un muret de pierres sèches. Et à cet endroit, il y a quelques buissons, les herbes sont plus hautes. Et lorsque vous parvenez jusqu'au muret, Pâquerette broute avec plaisir, mâche. La bonne herbe grasse qui pousse ici. En contrebas de l'éminence, ce n'est plus la forêt. C'est une espèce de vaste tourbière avec un vague chemin qui la parcourt comme une balafre et qui s'étend jusqu'à une grande éminence, une colline élevée. Qui est ceinte d'arbres gigantesques. Le milieu du monticule, là où la végétation semble la plus dense, est à demi noyé dans la brume de la prescaube qui s'est attardée sur les contreforts de cette espèce de château végétal, de grands arbres immenses qui se dressent vers le ciel. On n'aura pas besoin d'aller jusque Cassel pour qu'elle broute, tu vois. Je suis un bon guide, je t'ai guidé jusqu'à de la bonne herbe, alors on va pouvoir boire le lait, tu peux la traire maintenant. Vous êtes donc sur cette éminence. Vous avez marché quelque peu, mais vous êtes fatigué. Et maintenant que les nuages se sont dissipés, le soleil du matin peine à réchauffer l'air. Il fait froid. Et même si la pluie a cessé la veille, Vos vêtements sont encore tout imprégnés d'humidité. On pourrait considérer que la hâte qui anime Hertz à voir le lait sortir des pies de pâquerette et comme étrangère à la situation, mais vous avez aussi la faim qui vous tenaille. Je propose que nous allions dormir un peu et que nous mangeons demain. Tu sauras attendre jusque demain pour manger ? Moi, j'ai trop faim. Bien sûr, j'ai attendu des semaines. Alors, je crois que ce que Hertz essaie de te faire comprendre, c'est que lui, il tiendra pas, donc lui, il va manger. C'est ce que te dit ce grand jeune homme aux cheveux hirsutes. Un smerdi, on a faim. On en a faim, là. Hein? Tu n'as pas faim, toi ? Si, mais beaucoup moins en comparaison de toi. Nous pourrions aller faire un feu avec quelques débris qui sont là en contrebas, suggère la gaude. Et attirer les orlins. C'est vrai. Alors, nous n'avons qu'à traverser cette tourbière pour nous rapprocher de Cassel et... Plus on est près de Cassel, moins il y a de chances qu'il y ait des orlins. J'ai une question. C'est quoi les orlins ? Les monstres. Les créatures surgies du bois, ce qui fait peur aux hommes. T'as peur de Hertz, toi, Xavier, en tant que personne. Eh ben, dis-toi qu'un orla, dans ce cas-là, t'as vraiment, vraiment, vraiment pas envie de le croiser. Mais ce que je veux dire, c'est là, je le disais dans le jeu. Hein. Bah, normalement, dans le jeu, non. T'es censé... Tu n'as jamais croisé de Orla ? T'as même la chance. Pourquoi ? Heureux homme ! On a déjà croisé. Dit-il. Et tu vois sa mâchoire qui bouge. Il y a un petit tressaillement musculaire autour de la bouche. Presque involontaire après. Et à nouveau, tu vois la bave qui s'écoule et qui perd les ruisselles le long des fils qui demeurent accrochés à son visage. Mais n'aie crainte, nous sommes là. Nous te protégerons des orla. Nous avons la zidouille. Hein? Guidouille. La zidouille de notre ami dragon. Et on n'a pas trouvé le cerveau de cet homme. D'ailleurs, on le recherche activement. Et il désigne du doigt le jeune garçon aux cheveux sombres qui étreint le corps de chasse. Là, je vais lui demander comment il s'appelait. Comment tu t'appelles ? Il entrouvre la bouche. Là encore, tu vois. Bavé. Non. Tu vois un peu de bave ruisseler sur son menton et la jeune fille qui se tient à ses côtés, aux longs cheveux noirs qui lui vont jusqu'à la taille, dit. Elle s'approche de toi, pose elle aussi la main sur ton épaule et te dit « Je suis sourd, muet aussi. Je n'ai pas de sol. Je suis dragon. » Elle te lâche et tient la main du jeune garçon qui... porte le corps à ses lèvres, humecte ses lèvres, souffle dedans, puis entend la salive jouer, se déplacer dans le corps, car lorsque l'on souffle du corps, il faut pressurer l'air, l'expulser. Le chasser de ses propres poumons pour le porter au dehors et créer un vent. Et là, tu n'entends pas le vent. Mais tu as l'impression que le corps vibre dans ses mains, sans qu'aucun son ne soit émis. Dragon, il a la zidouille. La zidouille, elle va nous mener jusque... la reine du bois. Et quand nous aurons rejoint la reine du bois, nous pourrons chasser définitivement les Orlas de ce terrain-là. Plus de Orlas. Te postillonne nos visages en te parlant. Comment on fait pour manger après, alors? Mais les Orlas n'influent pas sur cela. Ah bon? Vous m'avez dit qu'ils étaient dangereux. Mmh. Et s'il n'y en a plus, on pourra à nouveau élever nos biquettes ou nos vaches. Et puis, il n'y aura plus de nuages. Ça, non. Je suis désolé, mais non. C'est un grand vent qui a soufflé sur les terres. C'est lui qui me l'a dit. Hein? Non, j'ai rien dit. Mais si, tu l'avais dit que Ezias, il l'avait écrit sur les rouleaux. Hein? Je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qu'il y a pu à ton corps? Il a pu t'as pu toutes tes cases, toi. Mais c'est pas de cases. C'est pas la lumière, tu les étais... Bah, ça fait pas de lumière, hein. Peut-être que si j'appuie sur ton nez, ça va faire de la lumière. Vas-y, essaye. Nut. Ça fait pas de lumière. T'as pas la lumière à tous les étages. Si, ça fait de la lumière. Ton nez est vert. Non. Il est pas vert, mon nez. À mesure que vous observez fixement Chubdia, vous notez qu'il a une espèce de duvet verdâtre qui lui recouvre le nez là où Hertz l'a touché. J'essaye de l'enlever. T'as des poils... d'où des espèces de soie qui... Bon, du coup, est-ce que j'ai un couteau qui pourrait faire la même chose? Sous la pulpe de ton doigt, tu les sens. Et, ouais, donc je vais essayer de m'en débarrasser. Ah, c'est... Quand on isole une, tu sens qu'elle est profondément chassée dans ta peau. J'essaie de la couper, comme ça, avec mes ongles. Tu l'ôtes. C'est douloureux. C'est une espèce de follicule. Tu saurais trop dire si c'est une herbe ou un poil. Bah, je m'en fiche, je le fais quand même. Mais c'est effectivement une couleur jaune verdâtre. Et je regarde s'il m'en reste encore, s'il m'en reste, je continue, sinon j'arrête. Moi, je regarde tout le groupe. En me disant qu'est-ce que je fais ici. En me demandant qu'est-ce que je fais ici. Et qu'est-ce que tu fais ici, Samael? Tu as vraiment peur ou tu es heureux ne serait-ce que de croiser enfin des hommes depuis des jours entiers à errer seul dans le bois? Là, ce grand marécage traversé par un chemin, tout étroit. Tu te dis que peut-être qu'avec eux, Tu n'auras rien à craindre à le traverser. Et ils ont l'air de connaître le chemin, non ? C'est la bouteille de... Et puis, si t'as trop peur, l'ami, je suis un caillou. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Je suis un caillou. Tu vois qui danse sur place en agitant je sa suis une un bouteille caillou. Du temps jadis sur laquelle il y a un morceau de plastique tout usé, tout passé, vaguement jaune, un bouchon jaunâtre. De la même couleur, que la même teinte que l'eau qui stagnait à l'endroit où il se trouvait au pied du saule. Et il agite sa bouteille. Je suis un caillou. Là, mes craintes, les orlas, ils auront peur. Et ils viendront pas jusqu'à nous. Quoi ? Ils nous prendront pour les cailloux. Mais comment ? On peut pas se transformer en cailloux. Et alors là, pour la plupart, se repère aux sensations qu'on a dans notre tête. Et ils jouent avec. Donc si on se considère comme un caillou, ou quelque chose qu'ils ne peuvent pas altérer, eh bien, on est sauf de leur action. Il n'y a pas d'autres monstres dans le coin. En fait, Orla désigne les monstres. Vous restez quelque temps, tu es pas très rassuré, surtout par l'agitation de Hertz. Qui a l'air bien étrange, ce petit rouquin. Mais lui, il a l'air de t'apprécier. Il surveille, mais à une distance respectueuse, laissant Pâquerette paisiblement dans le carré d'herbe qui pousse auprès du muret de pierre. La jeune fille est... Le jeune garçon qui était resté en retrait se sont approchés des deux grands et observent la vache en mâchonnant un brin d'herbe, tromper la faim, une brindille. Le temps s'écoule. Hein. Maintenant, le carré n'est plus, n'est que souvenir diffus. Il y a de plus en plus de moustiques qui se sont assemblés et qui viennent troubler la quiétude de Pâquerette, qui les chasse de sa queue. Tu l'aides de temps en temps, tu vas flatter sa croupe, tapoter pour chasser les bêtes qui s'attaquent à elle. Et bientôt, vous reprenez votre marche en direction du grand amas d'arbres baignés dans la brume. Le chemin, c'est un chemin de cailloux secs. Il a eu le temps, en une journée, de sécher. En revanche, c'est comme la rivière elle-même. Il serpente au milieu de la tourbière, et la tourbière est tout encore gorgée d'eau. C'est une situation inversée. La rivière est tout autour, et vous êtes sur un chemin sec qui s'avance, serpente. Autour de vous, il y a de curieuses amas de végétaux qui poussent épars. disséminés dans la tourbière, des végétaux qui forment un toupet de grandes feuilles en forme de lance qui retombent sur le sol, des lances dentelées, des espèces de couronnes comme des pieuvres végétales qui reposeraient sur le sol, mais ce ne sont que des végétaux, mais qui n'intéressent pas du tout Pâquerette. À mesure que la plaine s'étend, de plus en plus nombreux, et ils en viennent à remplacer les buissons d'aubépines, les espèces de rosiers sauvages qui poussent sur les berges. Il y a des roseaux aussi. Et à un moment, Pâquerette s'éloigne du chemin et se dirige vers une roselière. Les roseaux, ils sont en grand nombre. Tu y vois l'eau miroiter sous les chatoiements du soleil. L'eau coule jusque-là par un petit filet, forme une petite mare. Auprès de la mare, il y a des insectes, de petites grenouilles, de grenouilles vertes qui croissent tout autour. Je dis à Pâquerette de s'arrêter. Elle est allée un peu plus loin sur la berge pour manger une partie des roseaux frais ou des plantes vertes qui sortent de l'eau. Tu sais pas le nom qu'on leur donne, mais en tout cas, elle a l'air d'apprécier. Elle mâche avec un plaisir évident et une énergie, une faim manifeste. Je cours vers elle, voir si elle va bien. Elle a l'air toute calme, toute paisible. Elle broute paisiblement les roseaux. Je la caresse. Là, le sol est crisse sous tes pas. Vous rejoignez Pâquerette oui. Et votre nouvelle amie. Et là, ce ne sont plus des cailloux qui parsèment le sol dans la boue et l'amas de végétaux pourris. Vous vous rendez compte que ce sont des esquilles d'eau ou des dents. Il y a une espèce de petit monticule de dépression où les dents se sont accumulées et forment un tapis comme un parterre de dents et végétaux, vous avez sous vos pieds ces éléments qui crissent sous votre pas comme ils ont crissé sous les sabots de Pâquerette qui a, lorsqu'elle a traversé cette zone, a chassé quelque peu, elle a été déséquilibrée en approchant la pièce d'eau. Maintenant, elle est campée paisiblement sur ses quatre pattes et broute. Je sors ma pelle au cas où s'approche de moi. Tu es pas rassuré par la présence de tes dents. Tu es prêt, ta pelle en main, et sûr de ta prise sur la pelle. Et Que penses-tu qui peut vivre là, au milieu de cette tourbière? J'en sais rien, mais qu'est-ce qui pourrait s'approcher ainsi? Je préviens les autres que ça peut être, que cette zone a l'air dangereuse. D'avoir ta bonne pelle, du bon bois de pays gris, te rassure, parce que tu as aussi tes compagnons qui sont là pour t'épauler. Ça ne me rassure pas. Ça ne te rassure pas? Surtout mes compagnons. Qu'est-ce qui t'inquiète chez tes compagnons? Tu peux te creuser un abri dans la terre au chaud qui pourrait donner des fils à retordre à tout Orla qui se respecte, n'est-ce pas? Je m'approche de Samael, le voyant armé de sa pelle. Je suppose qu'il essaie de se défendre vu la façon dont il a la pelle, et je lui dis: t'inquiète pas, Ramon a une arme aussi, ça peut te rassurer. Merci. Et Xavier, tu ne l'as peut-être pas vu, mais attends, moi je suis... J'ai un doute, c'est du pur méta, mais je l'ai récupéré dans une dragon depuis ou je l'ai laissé? Tu l'avais laissé à la gaude. Autant pour moi, bon bah c'est la gaude qui l'a. Bon, du coup je me corrige en disant dragon, non la gaude. Désolé, j'ai oublié de poser la question. Vu que cette arme elle se balade, c'était pour savoir. Attends, tu m'avais dit un truc, Gabriel. Je vais te montrer une image... Moi, je suis armé comme ça. J'ai cette armure sur moi. Ouais, en mauvais état, hein. Pas un neuf comme c'est là. Hein. Avec des orties prises dedans, des toiles d'araignée par-dessus. Ah oui, mais moi, j'ai plus ma ressource. Donc, on est armé, hein. Ouais, on n'est pas... Je me disais aussi, elle est encore sur ma feuille. Qu'est-ce qu'elle y fout? On n'est pas... ton arme, Xavier? J'ai pas d'arme. Enfin, mon arme, c'est plus moi qui l'ai, c'est la bonne. Xavier? C'est aussi tes points. Xavier? On n'est pas désarmés non plus, donc... N'y crainte, l'ami. La gaude a l'arme suprême contre les Orla. Hein, la gaude, montre-lui. Et la gaude brandit un sèche-cheveux dans sa main. Même si ça peut paraître dérisoire vu la taille de l'arme, je t'assure qu'elle est efficace. Donc... Je vous propose de nous arrêter là. C'était une courte partie, une courte session où nous avons été rejoints par l'ami Xavier et Samael. Nous tenons à préciser qu'il y a eu une interruption après 6 minutes de truc jusqu'à je sais pas combien parce que l'enregistrement a coupé dû à un petit problème technique. Alors, on va essentiellement écouter Xavier et Samael pour savoir. Ce qu'il a ressenti dans la partie. C'était la première fois où tu jouais au jeu de rôle? Oui. Est-ce que ça t'a plu? Oui. Je précise. Tu t'es amusé? Beaucoup. Je veux juste préciser un truc avant la suite des questions. C'est ce qu'on appelle le débriefing. On fait souvent après une partie. Donc c'est la première partie, je préfère préciser. Bon, on le sait tous, hein. Mais ce que je veux dire, c'est souvent on en parle avec le MJ, la garde forestière, peu importe le nom qu'elle a, la personne qui gère la session s'il y en a une, et les autres joueurs, pour savoir si quelqu'un a corrigé quelque chose, comment ou si c'était bien. Voilà, ça. C'est globalement, si on refait ça la prochaine fois, ou si on continue ça une autre fois, est-ce que bah, déjà t'as envie de continuer? Et qu'est-ce que je dois corriger si jamais j'ai des trucs à corriger? Donc là, je vais laisser papa te poser des questions parce qu'il doit mieux les avoir retenues que moi, mais les posera un peu mieux. Et sinon, c'était juste pour expliquer ça, je pensais que ça c'était pas une mauvaise idée. Mm-hmm. Alors, donc, tu as pour la première fois joué au jeu de rôle, tu avais donc un personnage. Est-ce que pendant la durée de la partie, tu t'es senti un petit peu, toi, Xavier, un petit peu Samael? Est-ce que ce qui se passait dans l'histoire, tu le ressentais en toi? Beaucoup. En fait, je me sens pas ce qui se passait, mais je me sentais en Samael des fois. D'accord. Beaucoup c'est soit. But. Mais des fois, je sentais les actions. Du joueur près du rivage, je sentais vraiment les actions. Bah, d'accord. Je projette bien. Est-ce que tu avais le sentiment que vous qui jouiez, les participants, donc Mathieu et Gabriel, pouviez influer sur ce qui se passait? Pour reformuler ça. Changer le cours de l'histoire. Est-ce que tu avais l'impression que tes actes changeaient quelque chose à ce que papa racontait? Un peu, enfin j'en suis pas sûre. Hein. C'est pas oui, mais moi de le dire quoi. T'avais pas l'impression de lire un livre? Non. Est-ce que t'avais plus l'impression, je sais pas, de... Alors, quel exemple pourrait aller tu vois le film Playmobil où tu peux choisir tes choix? Oui. Est-ce que t'avais plus l'impression d'être dans le film Playmobil où tu choisis tes choix ou... Oui, désolé, c'est le seul truc que j'ai en tête. Ou de lire un livre où t'as pas de choix? J'ai l'impression que... Ou d'être carrément dans un jeu avec Alexane où vous décidez de tout. J'avais l'impression d'être un jeu à Alexane et aussi des fois avec Naïm. Oui, bon, bref, ça, on s'en fiche, tu m'as compris. Je préférais poser donc quelque chose. Donc, t'étais quand même dans une dimension de jeu. Oui. Donc, ce qui t'inquiétait, c'était l'environnement, mais aussi les personnages que Samael a rencontrés. C'est bien cela? Oui. C'est surtout Hertz. Même si je l'ai dit plein de fois, c'est surtout Hertz. Hertz t'inquiétait. Avec ce visuel là. C'est plus inoffensif de tous. Mais c'est cette toile qui me fait peur là. Cette toile d'araignée. Et ce duvet là, quand il a tout figé. Donc, est-ce que tu voudrais rejouer avec nous au jeu de rôle? J'aimerais bien. D'accord. Est-ce que tu voudrais rejouer la suite de l'histoire de Samael ou tu voudrais jouer une autre histoire La suite et une autre, une fois quand on aura terminé et cette histoire une autre. D'accord. J'aimerais mon métier de rôle. Ok. Tu veux qu'on y va avec nous? Oui, je veux bien. Alors. Désolé, hein, c'était juste pour ranger et comme mais je pense que vous avez pas eu beaucoup de prises parce qu'en oui, fait c'était le premier c'était le playtest de Xavier du jeu de rôle. Voilà, si on enfin même si c'est pas vraiment sa un playtest. Prise de contact. Voilà, okay. Prise de contact, c'est le terme. Et en fait moi du moins, je sais pas pour Mathieu, moi j'ai vraiment fais attention à pas trop jouer. Non pas parce que je me disais que je pouvais pas jouer avec lui, mais parce que je voulais pas que je joue beaucoup, parce qu'il est vraiment pas familier avec, finalement. Enfin, il connaît 2-3 termes, parce qu'on en parle fréquemment dans la vie de tous les jours, donc il connaît 2-3 termes, il connaît 2-3 choses dessus, mais il est vraiment pas habitué à l'univers. Hier, il nous sortait les mille veaux, fils de vache. Voilà. Là, il avait la vache. Oui, voilà, il avait la vache. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait intentionnellement, j'ai baissé mon emprise à moi sur la partie pour lui laisser le champ libre. Le champ libre. Après, le récit m'a intéressé. D'ailleurs, très jolie musique enfin que j'ai retenue et que j'ai. Et je pense que ça. The sun that never sets. Ouais. Donc, on va s'arrêter là, d'accord? D'accord. Et en plus, il y a maman qui vient rentrer. D'accord.